Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Black M. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Black M. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est déjà la dernière de la semaine, Black M. Yeah. Quelle semaine remplie de surprises. On va pouvoir écouter, on a préparé un petit replay. Dans un instant, comment ça va, Black M, en pleine forme? Ça va très bien. Alors, je pète la forme. Je suis partagé parce que je suis content et pas content en même temps. Pas content parce que c'est déjà la fin. Dis-moi. Et très content parce qu'on a attendu cette date. On a attendu vendredi. Ah, c'est vrai que tout le monde a attendu vendredi. Il y a donc ce soir. Depuis le début de la semaine, j'ai annoncé une grosse surprise. C'est-à-dire qu'on a eu plein de surprises cette semaine, mais celle-ci, c'est... Est-ce que tu te rappelles de tout ce qu'on a eu durant cette semaine? Ah bah oui. Dis-moi. On a eu Abou de Beng qui est passé, qui nous Adios. A balancé. Adios. Il y a H Magnum qui est passé. Il y a eu les Shin Sekai qui sont passés aussi. C'était hier soir, voilà, d'ailleurs, dans l'émission. Voilà. Entre 20 et 21. Voilà. Exactement. Et donc, ce soir, alors, qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut avoir quand même un indice? Ah, Dawala. Bonsoir Dawala, comment ça va Dawala? On a voulu couper mon micro. Je suis là. Dawala, comment ça va? Ouais, ça va, il y a eu DR, il y a eu Linda. Bien sûr, Linda qui est passée. Elio Petrodollaro. Il est là, monsieur Petrodollaro et la Petronation. Non, la Petronation. DJ HQ. HQ qui est là, qui nous a d'ailleurs... Girochrome qui est passé aussi. Girochrome, HQ qui a signé le morceau Adios là qu'on a pu passer mercredi. Shin Sekai. Et donc ce soir... Est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur cette surprise ou pas? Qu'est-ce que c'est, la surprise? J'ai pas envie de parler tout de suite. On dit rien. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Bon, c'est tu c'est l'écoutes. C'est un truc. Tu l'écoutes pour les oreilles. C'est quoi? Tu l'écoutes. C'est pour les oreilles. C'est pour les oreilles. C'est quoi? Regarde. C'est pour le bien du rap français. Bon, et ben on va continuer avec le hashtag trouve la surprise de Black M. Si vous savez. Et comment j'ai mis la surprise là, quoi, j'ai dit... Ah ouais, là, t'as mis la pression. Mais dis, t'es malade. Ah, t'as mis la pression. Bon, on découvrira ça tout à l'heure alors. Yes. En fin d'émission? Ouais, on va faire ça. Et là, on va se rappeler ce qui s'est passé durant cette semaine avec le replay de la semaine. Écoutez, c'était avec Black M et ses invités. Planet Rap. C'était toute cette semaine avec Black M sur Skyrock. Tout le monde dit Skyrock. Au Qatarik, l'Ouattibé, ils viennent Paris. Allez leur dire. Au Qatarik, l'Ouattibé, ils viennent Paris. Au Qatarik, le Big Black Game, ils viennent Paris. Au Qatarik, je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir de vos zéniths. Ramenez-moi vos émirs. Alors là on fait comme si c'était le live, tu vois ou pas? Comme si on était sur scène. Black Ressoir. Planète Rap. On est sur Skyrock, on fait comme si c'était le live. Yeah, tout le monde tape, chez toi tape. Dans les studios, Badji, je te vois pas taper. C'est comment PDG qui tape pas? Nizar, prends tout le temps pour me filmer. JC, on tape, Fred, hey, je vais vous taper. C'est le Big Black M sur Skyrock, le DVD sort le lit. Tony Diel, c'est comment? Est-ce que vous êtes toujours là? Matuzalem, hey, puisque c'est ça qu'elle est là. Boston Matuzalem, c'est Paris, pas Orléans. Boston Matuzalem, fais kiffer mes alliés. Boston Matuzalem, ton ennemi, on l'enlève. De Berlin, chez moi c'est le barrage 36. J'essaie d'être un mec sain, mais à chaque fois ça tombe sif. Oh bordel, la musique là devient nocive. Résultat sur le terrain, j'ai les yeux plus gros que Ozil. Ton rappeur est mouillé, mais ça vient pas de son maillot. Vérifie son puzzle, faible maillon. Oui, parfois j'attaque, hein. Vote tant les catins. Mon continent s'est fait Kenny, y'a que de la merde sous le sapin. À Paris, l'homme est mignon, il porte des anotis. Il pense ou espère briller comme un diamant Swarovski. À côté de la placa, un de la vraie baraka. Ma façon de voir les choses me pousse à faire des qui fracasse, et toi Renaud Tuck a flopé, je m'en tape, get the fuck out. Aujourd'hui tous les négros sont matrixés comme moi qu'a flaca. A Tita mi hola bé, poto Tita vient pas de la baie. Ils font la guerre, moi je veux la paix, oui mon label c'est le Ouattibé. C'était toute cette semaine avec Black M sur Skyrock. Tu nous prévois des surprises chaque fois. Ah ouais? Moi j'en ai une pour toi. Vas-y. Je suis allé à l'Olympia, moi c'était la première date, le 21 avril. Et tu fais toujours monter des gens sur scène. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de ce moment-là? Lilou. Comme c'était un super moment, je voulais qu'on fasse entrer Lilou ici dans le studio de Planet Rap. Wow. Voilà Lilou qui est venu voir Black M, qu'on peut applaudir. Non. Lilou qui est venu te voir, te rendre visite. Tu voulais dire un petit mot à Black M? Tu voulais dire un petit message? Ben, c'est toujours mon amoureux, je l'aime toujours. Sur ma route, oui, je ne monte des soucis. Dans le monde, on est fou, oui, Planet Rap. Découvrons donc ce morceau qui s'appelle Adios en exclu total. La nuit je barre, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mose. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. La nuit je barre, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mose. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Adios, adios. Adios. Projet Watibé. Que des surprises, que des surprises. Made in Afrique de l'Ouest. 500 000 ventes à rime et je pense à ceux qui vivent la hesse. Sur la vie de ma mère, qu'il faut que je me vide la tête. T'as vu, y'a pas que dans les films que l'ennemi vise la tête. La porte était scellée, fallait que je brise la fenêtre. Ici on s'en bat les couilles quand tu exprimes ta peine. Aussitôt que le public te lève, mon ami il te rabaisse. Un 2, un 2, t'as bacri qu'il faut qu'il quitte la tête. Sans mesure, c'est de l'eau, j'ai fait un hit la veille. Qui pourrait dire à Joey Star que c'est mieux qu'il se la fait. L'éternel insatisfait, y'aura de tristes thèmes. J'ai pris mes cauchemars en otage pour pas qu'ils brisent mes rêves. L'émission rap de référence, Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. La tournée de Black M, ça sort lundi, hein. Lundi dans les bacs. C'est des DVD live, la précommande dès maintenant. On peut y aller, on peut aller cliquer et le récupérer aussi. Les yeux plus gros que l'Olympia. Puisque la captation a été faite à l'Olympia. Exactement. Très très lourd. À Paris, c'est très lourd. Elle donne envie. Et ça donne, envie justement. Ouais. Et puis ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a très peu de live, même dans le rap et tout, d'avoir des lives, d'avoir de la vidéo. Donc les DVD, il n'y en avait plus trop non plus. Donc, comme on a dit, le dernier c'était le Bercy de section. Chaque projet qui fonctionne, on va pouvoir se régaler. Autour ouais, de ce non, DVD-là. C'est un gros concert. Et en plus, Black M est entouré, c'est toute une famille qui est dans ce DVD-là et on s'ennuie pas. Donc je dis à tous les Wattie Soldats, dépêchez-vous d'aller prendre ce DVD-là, il est très très 8 bon, juin dans les bacs. Pas le regret. Est-ce qu'on voit Dawala dans le DVD? Est-ce qu'on voit Dawala dans le DVD? Ouais, on le voit, ouais, bien sûr, on le voit. Est-ce on que est tu vois Fred à Skyrock? Voilà, t'es mal à punch. Attends, c'est comme. Pardon. Pardon. Bête quoi? Non, pardon, je suis bête. Allez, on débute le Planet Rap avec un live justement de ce DVD. Madame Pavouchko. Ouh, X1X. Attention, ce soir, le concert est filmé. Le H2 ce soir, guerre. Le concert est filmé. Le DVD va sortir. S'il vous plaît, je veux voir tout le monde debout. Tout le monde debout. Les 8 jours dans les bacs, ça arrive. Allez, madame Pavouchko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je peux de hit, madame Pavouchko. Et vos gosses me hit, madame Pavouchko. Oui, madame Pavouchko. Je suis toujours dans la spin, madame Pavouchko. C'est pour mes gars sous oui, madame Pavouchko. Si vous voulez, on se tweet, madame Pavouchko. Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'on m'a foucave, d'où M-Smile. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats les... Oui, je sais, c'est dommage, du coup tout le monde sourd. Aïe, madame Pavouchko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je suis de il, madame Pavouchko. Et vos gosses me vivent, madame Pavouchko. Oui, madame Pavouchko. J'ai toujours autant d'inspire, madame Pavouchko. C'est bon les gars, sous oui, madame Pavouchko. Si vous voulez, on se tweet, madame. Aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête et j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va rigoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que leur guerre se croise, hop, adrénaline. Ah oui je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets ou nakikike. Tout le monde sourd. Aïe madame Pavouchko. Non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'suis de hit madame Pavouchko. Et vos gosses me hit madame Pavouchko. Oui, madame Pavouchko. J'ai toujours autant d'inspi madame Pavouchko. C'est pour mes gars sous oui madame Pavouchko. Si vous voulez on oui madame Pavouchko. Je me suis juré qu'un jour vous danserez sur mes sons. À une époque je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait vas-y tire sur l'école. Ça prend une petite anecdote, la directrice et l'école. Pourquoi seconde de surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère et tout le monde fait. Je veux vous voir taper dans vos mains l'Olympia. Hey, je répète, ce soir, en exclusivité, le DVD de l'Olympia. On veut le feu ce soir, attention. Tout le monde sort. Aïe, madame Barochko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je veux plus. Madame Barochko, et vos gosses meurent. Madame Barochko, oui, madame Barochko, j'ai toujours autant d'inspire. Madame Barochko, c'est pour mes gars sous weed. Madame Barochko, si vous voulez, on se weed. Madame Barochko, et tout le monde. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le braille. De classe les profs disaient que tu faisais partie des plus nasses de l'école. Jette ton cahier, mets le fire, mets le fire. Et si pour toi un avertissement les autres qu'une excuse de plus de divertissement. Jette ton cahier, mets le fire, fire. Tout le monde, hey, hey, ho. Tout le monde, hey, ho. Paris, hey, ho. Et tout le monde, hey, Madame Pavouchko en live, c'est extrait du CD DVD qui sort lundi dans les bacs Black M avec nous, entre 20h et 21h. Toujours là. Cette semaine, on a beaucoup fait aussi participer les auditeurs, les gens qui t'ont vu en tournée Black M. Ouais. Et maintenant, c'est vrai. La question que je vais te poser à toi, c'est qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de cette première partie de tournée? On l'a dit, c'est pas fini, hein. C'est jusqu'au fin novembre. Qu'est-ce que tu... c'est quoi les images, les moments, les rencontres, les... Qu'est-ce que t'as en tête? Je suppose que t'as plein d'images en tête, hein. Quand tu me dis ça comme ça, j'ai plein d'émotions qui me viennent en même temps, des gens qui sourient, d'autres parfois qui pleurent d'émotion. Je sais pas pourquoi. Et j'ai des belles images en tête, le public qui saute, le public qui chante avec moi, les gens qui sont avec moi sur la scène. Que ce soit la première partie de la première partie à tout le monde, quoi. Tout le monde, tout le staff. Franchement, j'ai énormément d'images. Je suppose qu'il y a aussi des moments où avant d'arriver sur scène, une immense tournée comme ça, il y a des moments où t'es plus ou moins crevé, il y a des moments où c'est... Ouais, bien sûr. Et quand t'es sur scène, t'oublies tout, enfin, ça passe très vite. Quand t'es sur scène, en fait, t'oublies tout, et quand tu sors de scène, tu retombes. Tu retombes dans une grosse fatigue. Et c'est ça à peu près tous les soirs, mais on tient, on est une grosse équipe. Et on se soutient tous, ça le fait. Voilà, cette tournée qui continue, je disais, jusqu'au moins fin novembre. La dernière date pour l'instant, c'est le Zénith de Nantes. Hein, Troisième fois le Zénith de Nantes. Ils aiment Black M à Nantes. Moi aussi, j'aime Nantes. N'hésitez pas à aller voir. Toutes les dates sont aussi sur les réseaux sociaux. Hein, pour suivre Black M un petit peu partout. Et après cette tournée ou pendant la tournée, qu'est-ce qui se passe? Il était déjà sur l'album Ouais, je commence à écrire petit à petit le deuxième album, dont vous connaissez tous le titre. L'éternel insatisfait. Je fais des apparitions à gauche à droite, comme tu as pu le voir là durant la semaine, sur différents feats. Pratiquement sur tous les projets du label, avec Shinsekai, avec Vendetta, t'es en préparation. Je suis un peu partout. Le morceau Adios, d'ailleurs, Adios, il sera sur le projet Watibé de Dawala. Des chroniques. Voilà. Qui est en préparation avec tout le label. Et Black M est pratiquement sur tous les titres. Après, sur scène, c'est vrai que c'est difficile. C'est comme un joueur, parce que tous les soirs, physiquement, c'est fatigant. Mais après, grâce au public, parce qu'il a de la chance aussi, parce qu'on a un gros public, d'avoir autant de monde qui le chauffe, donc il oublie la fatigue. Et après, quand ils sont plus là, c'est exactement ça. Il dort, on lui donne le biberon, allez. Jusqu'à la prochaine tournée. Le biberon de Black M qui doit être différent de celui de la HQ aussi. Il y a beaucoup d'enfants dans le wild, il a dit. Bon, on va revenir dans un instant sur Skyrock avec des extraits. On mettra quel live, Black M? T'as envie de mettre quel morceau live? Quel live, Dawala? Un qu'on n'a pas écouté. Réfléchissez tranquille, on a un petit peu de temps. Juste rappelez aussi que dans quelques minutes, il y aura une surprise. Ah, toi, t'attends cette surprise. Hein. Attends, tu m'as chauffé depuis lundi avec cette surprise. Donc, tout le monde l'attend. Et il y a beaucoup de propositions, je vois plein de propositions, des morceaux inédits de la section, on nous parle. Laisse poser la question, allez-y. Nouvelle boutique. Allez-y. Ou à Tibet. Allez-y. C'est un message nouveau, de Dawala qui est arrivé. À quand la prochaine boutique? Un nouvel artiste, ouais.

Dawala. En direct de Skyrock. Voilà, les big boss sont installés. Maintenant, je crois que c'est à nous, on va prendre le micro maintenant. Ah, Dawala, d'accord, c'est l'heure du live. Tu es prêt à lâcher un freestyle? Non. Viens de te rejoindre, Laurent, pour te saluer. Laurent Bonneau, le directeur général des programmes de Skyrock. Je suis un ancien, je suis un retraité, comme dans le ballon. Je vais laisser Laurent faire un petit freestyle. Non, mais c'est quoi là? On va tous se bouser, là, c'est une exclu. On parle de football, mais Dawala. Vraiment, met ses billes un peu partout surtout dans la société française, dans la société française et aujourd'hui dans le football. Hein. Dans le football, là on est à Beauvais. Voilà. On a ouvert le Pôle Sport. Voilà. Qui s'occupe de jeunes des. C'est autre chose là, ça me dépasse. Ça, je suis pas Black M. On a essayé de le faire jouer Black M avec Wattier. On a mis latéral, il a joué 5 minutes, donc on l'a mis sur le côté. Tu te rappelles pas au Mali ce que j'ai fait? Où? Au Mali, dans ton pays d'origine, ce que j'ai fait. Quand t'as tiré le pénalty là? Quand j'ai marqué et que tout le monde a crié. Ah, on peut le voir, on peut voir les images. On peut voir les images. Au milieu, le gardien a fait semblant de tomber. Arrête. Par contre, la menace. Voilà, si tu reprends un prochain club. Parce que là, a priori, tu vas reprendre un prochain club. Ouais, j'espère. Il y a eu Bobigny, hein, qui a fait un beau parcours quand même, Bobigny. 32e de finale, on est parti très très loin. Aujourd'hui, on est sur beaucoup de projets, mais un projet qu'avance est Beauvais. Et j'espère que ça va se finaliser. Moi, je te propose un coach, hein, tu l'as à tes côtés. Hein. Mais il y a un joueur à 3, je crois. Que... non, non, essaye pas de défiler. Est-ce que tu pourrais les coacher? Non, mais tu sais, Dawala, c'est notre maître à tous. Non. Je veux dire, voilà, moi je m'incline devant le talent. Je m'incline devant le talent. C'est-à-dire, entre Dawala à droite et Black M à gauche, qu'est-ce que tu veux? Je me fais tout petit. Black M, c'est l'étoile. J'ai l'impression d'être Lilou. Arrête. Bon, bah merci de passer, Laurent, en tout cas. Bah, écoute, j'attends la surprise avec une grande. On attend tous. Parce que là, au courant, tu sais, toi, tu sais ou tu sais pas? Ah, j'ai eu comme il y a un vent qui souffle dans le studio, un air qui souffle dans le studio. J'ai ouï dire de quelque chose, mais un écho. Mais un écho. Ne disons rien pour l'instant. Mais je ne dis rien. Je ne dirai rien. On ne dirait rien pour l'instant. Il l'a dit, Black M, d'ailleurs. Mais je ne dirai rien. Mais ça, vous le saurez d'ici quelques minutes. Et tiens, Black M, on va retourner sur le live maintenant. Ouais. Pourquoi je garde pas. Je garde le sourire en live. Et DVD, bah 8 juin dans les bacs. Le 8 juin dans les bacs. C'est lundi dans les bacs, à pas louper. Yes. Black M dans Planète Rap. Je garde le sourire. Souriez, souriez. Vous êtes filmés ce soir. 1. Depuis, je garde le sourire. Souriez, souriez. Souriez, souriez. 1. Souriez. 1. Yeah. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui je l'ai voulu mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi car tout le monde connaît mes sons. Cœur malade pour après la guérison. Mon public ne peut pas me comprendre, je suis dans l'autodérision. Ce soir j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris. Mais ce soir j'ai perdu un frère, un grand proche dans ma vie. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi. Ce maquillage fait que tu ne le vois pas. Je suis un coup, je souffre. Je suis un coup. Tout le monde a mon l'air en avion. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Je me suis battu des années pour arriver où je suis. Dans l'entreprise, personne au-dessus de moi dans la hiérarchie. 1. Je suis un homme accompli. Je suis censé être heureux moi-même, j'ai pas compris. Scotché sur ma chaise suite au dernier coup de fil. Médecin fait comprendre qu'à chaque réunion je perds un bout de fil. Dans mon domaine, je suis le meilleur d'après la rumeur. Mais d'après elle aussi, je suis atteint d'une grosse tumeur. Mais pas de choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi. Ce maquillage fait que tu ne le vois pas. Je suis un coup, je souffre. Je suis un coup, tout le monde a mon l'air en avion. Je garde le sourire. Souriez, souriez. Le 8 juin dans les bacs. Beaucoup de femmes vont se reconnaître et diront que les pots cassés ne peuvent pas se recoller. Dire yeah. Victime d'un homme fou allié. Les coups sont invisibles pour une mère au foyer. Elle pleure son maquillage cool. Ses enfants ont peur de croire que tout est cool. La femme est une battante, elle est si épatante. Son instinct animal qu'elle presse sur la détente. Un sol qui n'a pas ton temps, qui sourit mais on sait pas comment. Fonda sur le mal, même le cool pour passer sentiment. Oh. Depuis je garde le sourire, personne ne comprend. Le clown, depuis je garde le sourire, souriez, souriez. Je comprends le clown, je suis un. Tout le monde tient, tout le monde tient, tout le monde tient. DVD Olympia 8 juin dans les bacs. Tout le monde fonce, à ne pas louper. Le truc est précommande. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Personne ne comprend. Je garde le sourire, personne ne comprend le clown. DJ H. Black Diamant. Ouh. Je garde le sourire à l'instant, live. T'as entendu le blaze ou pas Black Diamant. Ah, poteau, Black Diamant. Il a changé Black de nom. C'est beau. Ça, c'est le prochain album, non? C'est le troisième solo. C'est le troisième. C'est déjà le nom du troisième album solo. Ouais. Est-ce que le deuxième s'appellera Internet Insatisfait, tu sais ça? Ouais, je sais, mais poteau, il est beau ce nom-là. Black Diamant. Ah, c'est un surnom, c'est un nouveau équipe que je viens de lancer là tout de suite. Il est plus Black sympa Diamant. Que le Black Shady, hein, je trouve. Hein. Tu trouves? Ah ouais, parce que le Black Shady, le clip est arrivé hier. Hein, je vous rappelle que le clip est arrivé hier de Black Shady. Le clip est arrivé hier. On peut toujours aller le mater. J'ai beaucoup de bons retours. On a fait le con dans le clip. Et donc... j'ai envie de dire continue. J'ai des bons retours. Black M avec nous entre 20 et 21. Il va y avoir le freestyle par téléphone. La surprise qui arrive. Je l'attends cette surprise. Mais tu penses qu'on va pouvoir se réécouter à Dios avant? Bien sûr qu'on va avoir le temps dans un instant. Présenter mon gars Elio Petrodollar. Petrodollar. Est-ce que tu crois que j'allais négliger la Petronation? Non, Elio c'est fini. Maintenant c'est Petrodollar de la Petrocorp. C'est fini Elio. Petrocorp. La Petrocorp. La Petrocorp dans le building. Corbeau. Petrocorp. Dis Petrocorp. T'es bête. Non, en fait j'avais une petite annonce à faire. T'as vu? Il y a comment dire? Son projet qui va sortir. Voilà, le projet, le premier baril. Tu vois ce que je veux dire? Qui est un avant-album, on va dire. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et comment dire? Sans vouloir trop bire, il y a minimum un classique dedans. Minimum. Donc le baril est plein. Voilà, voilà. Il y a de l'eau ou c'est. Non, c'est du pétrole. C'est pas de l'eau sale, c'est du pétrole. Ne négligez pas cette annonce. C'est un gars de la section d'assaut qui a parlé. Voilà, monsieur Elio Petrodollar. Non, c'est fini. Il travaille dans l'ombre, mais il travaille sérieusement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de motivation et je pense qu'il va réussir. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Il a beaucoup d'idées, il a une stratégie personnelle. C'est-à-dire que les autres n'ont pas d'idées. Merde, de quoi ça vire? J'ai dit, les idées, pas comme les autres. Voilà. Ça veut pas dire que les gens. Bien rattrapé, voilà. DJ HQ. HQ, Dawa Fort. Attention, et nous, on appelle ça des Dawa Fort. Ouais, c'est les Dawa Fort. Vendeur, c'est une Dawa Fort. Ça, c'est une Dawa Fort, ouais. Je vous présente Minem de Caen. On a écouté le son des Minem, non, c'est Minem de Caen. Minem. Mon gars, on est ensemble. Ah, bah, Caen, qu'est-ce qui se passe avec le. On a fait mal à Lyon, on a fait mal à Paris, on a fait mal à Marseille, on est ensemble. Ça va bien, Minem? Ça va, impeccable. Eh ben bienvenue dans le Planet Rap, dernier Planet Rap de Black M. Hein. Ok. Tu es prêt à rapper, toi, c'est l'heure du freestyle par téléphone? Ouais. Je crois que l'instru va être reconnu dès les premières notes. Allez, on balance. Ouh, oui. Ouh. Yo. M pour tous ceux qui me connaissent. Oh, c'est moi le bantou kicker. J'ai peur. Vite qu'on m'appelle le marteau piqueur à 250 sur le périph. Regarde tes rétroviseurs, celui qui te fait ma tête. C'est sûr que je l'ai dans le viseur, j'ai un putain de personnage. Et je grave des textes. Y'a qu'à tourner les pages pour voir que seul d'où je vous baisse. À l'époque j'étais déjà rapide comme Haki, vive comme Messi, on dit que je frappe fort comme Ali. J'ai pas besoin d'équipe, vaut mieux être seul que ma entourée. Des fois je me vide la tête pour m'apaiser, ouais. En 80 jours, nécessaire c'est quand je le fais, je m'envole comme un putain de tour. Mon flow vous excite, gardez vos principes. Je vois que tout le monde s'active. Moi je fais trembler les gens. Comme tout l'ami, si je veux, je fais couler la France. Brave mec, j'ai posé ma. Et c'est m'en empêcher, mais tu peux creuser ta tombe. Y'en a qui disent que je me la joue. Ouais, mais bon, allez, j'avoue, on ne joue pas dans la même cour. Peut-être qu'un jour viendra votre tour. Je suis souvent cherché, traqué pour deux, trois pifs. Donc, souvent, t'allais de me faire braquer par deux, trois types. Con, Tu veux la guerre, mais t'as bandé, c'est me rabaisser, mais faudra me viser les deux jambes. Ma voix départ dans ta ville, t'écoutes mes sons dans ton casque audio. Là, c'est juste un aperçu, faut que je retourne en studio. Ha, M-I-N-E-M. Minem à l'instant sur Skyrock, merci Minem. Du côté de Caen, bravo à toi du côté de Caen. Tu veux passer quelques dédicaces, quelques messages? Bah, petite dédicace à mes potes qui m'écoutent et puis merci à Skyrock. Lourd, mon gars. Merci à toi Minem. Passe une bonne soirée sur Skyrock, le Planet Rap avec Black M. Alors on avait promis le morceau Adio, c'est là je trépigne. Il y a de la demande. Parce que dans un instant vous pourrez découvrir la surprise. Alors on sait que c'est un son. C'est un son, ouais. C'est un son. Qui nettoie les oreilles. Mais de qui, de quoi, comment? Ah, mais nous, Adios. On va voir ça après. HQ, est-ce qu'on peut balancer Adios, qui est un son qui a été d'ailleurs réalisé par HQ, qui a été proposé par HQ. Il y a beaucoup de demandes, c'est pour ça on le repasse. Monsieur De Bang, viens nous présenter ce morceau comme il se doit, s'il te plaît. Donc, ça, c'est un morceau qui arrivera sur le projet Watibé. Hein. Premier extrait du projet du Watibé. Très, très gros projet qui est taffé durement, très, très durement. Donc voilà, ça c'est le premier extrait en feat avec Black M. On va pas trop parler. Voilà quoi. Allez, adios. Yeah, adios à tous mes gars. Sur. Dédicace à Papété, Tahiti. La nuit, j'ai pas reposé dans mon camion. Mon gars sur ma route. On me dit pas mon. M.A.L.I. Je prends mon temps, je fais les dédicace choses. Dédicace à Mokwa du 9-4. Yeah. La nuit, j'ai pas reposé dans mon camion. Je veux bombarder, mais on me dit pas mot. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. La nuit, je barote, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, mais on me dit pas mot. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios. Je ne comprends pas pourquoi vous m'en voulez. J'ai eu, je ne l'ai pas volé. En bien ou en mal, je sais que ça parle de moi. Le blanc. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je me souviens de tous les moments forts de ma vie. Le blanc. Tous les hypocrites sont hors de ma vue. Je me rappelle de toutes ces nuits blanches dans Paris. Les descentes de keuf en bas de ma rue. Toutes ces filles au cœur fragile qui m'ont aimé mais sans retour. Je n'ai rien dit car je me méfie. Je m'ouvrirai peut-être un jour. Je barode. Poser dans mon amour. Je veux bombarder, et on me dit pas mot. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. La nuit je barote, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, et on me dit pas mot. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Voilà. Adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios, adios. Trop rêveur, j'aimerais voir ma vie en reverse. J'ai pris de l'âge, du kilométrage, la même rage. Dealer. Depuis le temps que je baroude, les gens qui me disent tu n'y arriveras pas, j'en ai vu d'autres. Depuis j'ai fait mon bout de chemin, mais l'important c'est la fin, je dirais pas que j'ai commis aucune faute. Paris ma ville, des comme elle y en a pas mille. Mais sur le périph' je roule en pensant à une île où y aurait des gros requins en guise de videur. Une île où j'irai me poser pour faire le vide. Une île où personne parle de musique et de vide. Pas la peine d'appeler, y'a personne au bout du fil. J'ai pas changé donc arrêtez de vous faire des films. Pour que je vous dise adios parce que rien que ma vie est pile. Adios. Adios. A vous de même. Adios. La nuit je barote, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. La nuit je barote, posé dans mon gamos. Je veux bombarder, on me dit pas mos. Le H de guerre. Macan Keitan. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Mon gars Adios. Je barote, posé dans mon gamos. Je vais bombarder, on me dit pas mos. Mais je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Paul le guitariste. Posé dans mon gamos. Barak. Je vais bombarder, on me dit pas mos. Je prends mon temps, je fais les choses. Jusqu'au beau jour, je vous dirai adios. Adios, adios. Watibé. W-A-T-I-B 2015. Merci pour le clip. Voilà le morceau qui s'appelle Adios. Avec Abou de Bang, avec Black M. Ah bah là on était parti. Hein. Effectivement, le son, très gros son qui fait penser à une ambiance festival, une ambiance deal. Voilà pourquoi on l'a tourné à Tahiti. Et voilà quoi. Et ça arrive sur le projet sur Watibé. Sur le projet du Watibé qui arrive très d'ici très prochainement. Quelques semaines. Et yeah. Voilà. Mais bon, là franchement, adios, tout c'est bien. Mais moi-même, j'ai envie de passer à autre chose, à la surprise. Mais attends, il y a une autre surprise qui est arrivée dans le refait en surprise cette semaine. Hein. Ah, c'est les semaines blocs, c'est comme ça. Il vient de s'installer dans le studio. Pareil, un des compères de la section d'assaut. Il va par le nom de Masca. Masca, qui est là. Le blavant. Dur. Ça va ou quoi, tranquille? Et toi, Masca, en bien? Ouais, ça va, au calme. En pleine forme? Au calme. Bon, tu as pu déguster ce live aussi qui sort lundi. Ouais. Ça fait deux semaines, je disais à. Parce que lui, il snap toujours adios, à vous. C'est un grand snapper. À chaque fois, il snap, je dis, mais envoie-moi ce truc. Et depuis, je l'avais pas entendu. Là, je l'ai. T'avais pas encore entendu ça? J'avais pas entendu. À chaque fois, je dis, mais envoie-le-moi. Non, en fait, ça, je crois que sa boîte mail est déconne. Non, il a pas trop le temps. Tu sais, il est tout le temps sur les tournées, il est sur les. Même quand je t'ai demandé d'envoyer la version, tu m'as pas envoyé aussi. Cette semaine, il était à Tahiti. Je viens de le voilà, il a pas trop le temps pour ses amis. Non, mais on travaille. Alors, si tu peux m'excuser, vraiment, mon grand frère Masca, ça serait vraiment, vraiment. Les gens voyagent. Le ying et le yang. Les avions, ça passe pas. Bah ouais, tes chaussures sur mes côtes depuis que t'es arrivé. Oui, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Attendez, je vais essayer de négocier un truc pour vous. Où est le Watijet? Ah, auto. Même dans le jet, ça capte pas. Pourquoi tu vas prendre un jet qui va coûter des millions? Prenez le vélo. Vélo de la ville, là, mon gars. Les Wati bicyclettes, quoi. Prenez une Wati bicyclette, quoi. Donc, t'arrives pile poil en plus parce qu'on a annoncé une grosse surprise. Ouais. Masca, je sais pas si toi tu es au courant. Je fais semblant, je m'arrange. Ouais, vas-y, dis que t'es au courant, ouais, tranquille. Sûr. T'es au courant. Non, voilà. Bien sûr que je suis au courant. Non, sérieusement, je suis au courant. C'est une dinguerie. Et bah. Qu'est-ce qu'on attaque, on le fait maintenant ou pas? Bah écoute, on va profiter, Masca est là, Masca vient d'arriver. Comme on a annoncé hein, depuis le début de la semaine, on a dit surprise. Dawala, comme t'as dit, ça sert à rien de parler. Donc, la surprise. Je comprends pas, t'as pas le câble. Juste un truc. Donc, lance-moi ça, s'il te plaît. Attention, vous allez péter les plombs. Faites très attention. Mettez du son, 2015, c'est ça. Alors, attention, c'est un son. Non, lance le son. 2015, on a dit, c'est ça. Vous allez péter les plombs. On t'a dit, mets le son, Fred. C'est parti. Si tu viens de naître, je te conseille de pas t'improviser, maître. 2000, accroche-toi parce que ça va chier. Assis-toi si ton cœur n'est pas en acier. Si t'as des couilles, c'est tout à ton honneur. Mais ça suffit pas pour faire de Watt un mec en or. La réalité est crue et cruelle. Je l'ai vu baiser la fiction dans une ruelle. Épreuve d'amour, moi je suis un radin. J'ai pas laissé mon cœur au vestiaire, mais dans les gradins. Avec le peuple, avec mes potes. L'histoire se répète, on ouvre des portes, mais tu sais la merde, on la connaît, la Hesse nous a cogné, donne le pognon que les moteurs des caisses se mettent à grogner, c'est notre vengeance, on vivait sans gens, pendant que les gens s'en foutaient de nos chansons, tu sais le succès, on vivait sans ça, maintenant les gens nous usaient, sont devenus sociables, rap game, je t'ai baisé, mais s'il te plaît, ne tombe pas enceinte, combien de fois faudra-t-il que je te dise qu'on n'est pas ensemble, négro, je vais faire du sale, donc prévois les pansements, tu pensais que j'étais game over, bah tu sais quoi, pense-moi. Je suis pas comme toi, je me suis pas inventé de perso. J'ai cette envie de tout niquer depuis le berceau. Ma colère, je la coffre, je l'emmagasine. Et quand je craque, je disparais, je change ma carte team. Comment dire à tous ceux qui s'improvisent amis que je les déteste comme les femmes détestent la polygamie. J'aime pas non plus les teutrés, les faux frères. Mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Faux frères, mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Je te connais pas gros, je prends mes distances. Les hypocrites m'ont suffisamment pourri l'existence. Laissez-moi, j'ai pas la tête à réfléchir. Le projet c'est tout rafler sans jamais fléchir. De l'autre côté c'est trop maigre, ils ont qu'à pousser. Ils ont qu'à bosser, je vais les éclabousser. Je suis pas encore dead, vous pouvez pas encore me tège. D'ailleurs j'espère que seuls les frères suivront mon cortège. Tu peux que dire waouh Fall, t'as pris du niveau. Merci mais ton sang va couler dans les caniveaux. Vous pouvez la peur, bande d'acteurs, vous n'êtes pas réglo. Vous ne faites pas le poids, ce chapitre me paraît clos. Rien à foutre de savoir ce que les rival. Ici c'est Paris, c'est tribal, limite cannibale. Arrêtez de me parler, je suis pas d'humeur à des barres. Et vous puissiez pas la peine de me comparer, je n'ai aucun rival. Pas besoin d'insulter des mères ou de crier bang bang. Pas besoin d'une meuf qui twerk qu'à côté d'une belle bang. Ça et puis bang bang, c'est pour mes berbères. Monte sur le ring, mais fais pas le rage aussi, tu dois. réverbère. Les longs carrousses qu'on soit avec des verbières. T'es tombé sur les honneurs de la pire espèce. Y'a tellement de schlag ici que les vampires ont de l'air pèse. Ah, de l'air pèse. Y'a tellement de schlag ici que les vampires ont de l'air pèse. De l'air pèse. Tu me connais toi, tu me connais toi. Tu me connais pas. Tu me connais toi. Moi j'ai envie de dire bravo, bravo. Vu le nombre de messages, wow, les gens ont grillé. Wow. C'est évidemment le retour de Lefa. Tu peux que dire waouh. Reste branché. Le morceau intro Lefa. Donc c'est Lefa qui revient. Reste branché, c'est tout ce qu'on a à dire. Le seul mot d'ordre, c'est reste branché. Reste branché à l'arbre. Reste branché. Restez branché. Restez branché. Voilà, donc c'était juste un truc. C'était la grosse surprise. On l'a annoncé depuis lundi. Moi-même, j'étais pas au courant. J'ai découvert ce morceau à l'instant même. Ça s'appelle une surprise. Non, c'est une surprise. Grosse surprise. J'ai une petite idée, mais c'est vrai que. C'est pas une surprise. Voilà, le faux authentique. Cas, le morceau, Twitter, je l'ai découvert en même temps Facebook, que les auditeurs et auditrices Instagram de Skyrock. Attends, voilà deux secondes. Calme-toi. On peut pas se calmer. Non, c'est à la pharmacie qu'ils vont nous calmer. Calme-toi. Deux secondes, mais non, juste en réaction, Mathieu, Maska, Black M, comme vous êtes là, donc. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire officiellement? Donc la seule chose officielle, c'est voilà, rester branché. Restez branché, vous avez entendu, on a tous entendu le son, on a tous reconnu la voix de Lefa. Restez branché. C'est l'intro, après priori, ça s'appelle l'intro. C'est restez branché. Restez branché. Ouais. Restez branché. Vas-y, Dawa, l'achète. Restez branché, Lefa authentique. Facebook, Twitter, Instagram. Donc c'est-à-dire que si on veut plus d'infos. Restez branché sur le fa authentique. Tu vois la branche là. T'as vu, c'est pas le morceau. Le morceau intro, le fa, restez branché sur ça. Et il y a tous les réseaux. Voilà. C'est WhatsApp 2015. Le fa authentique. Pour avoir plus d'infos et j'essaierai de travailler au corps pour que d'ici quelques semaines. Là, voilà, les messages ils vont exploser. Ah bah là, c'est en train d'exploser corps, là. Mais tu travailles avec un grizzly. Ça va être difficile. La France n'est pas prête. Mais entre grizzly, on se comprend. Donc, le fa à l'instant, restez branché, c'est le mot d'ordre. Ouais, c'est le mot d'ordre. Et c'était en tout cas, je tenais à vous le dire, une très belle surprise. Eh ben, c'est vrai on n'a pas fait, parlé pour rien, je pense. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Lefa. D'avoir des nouvelles de Lefa en musique, en son, en tout cas. Et bah, il me semble que. T'as envie d'en savoir plus. Que je reste un peu sur ma faim, mais je suis très content d'avoir entendu ce morceau et d'avoir pu découvrir en même temps que les auditeurs et auditrices de Skyrock ce morceau de Lefa qui s'appelle donc Intro. Le morceau il est disponible sur Vevo, sur son Vevo. Donc sur son Vevo, maintenant tout de suite, là on peut l'avoir. Tout vient d'arriver, Instagram. Tout vient d'arriver. Eh bien, on est refait. Merci pour cette belle semaine, en tout cas. Merci à tous. Le 8, merci. N'oubliez pas, dans les bacs. Le 8 juin, c'est évidemment lundi dans les bacs. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est pas Black Jam. Yeah. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non? La roulette qui va tourner avec Hugo. Salut, Hugo. Salut, ça va, Fred? Bien, et toi, je te présente Black M. Yamaska, qui est là. Dawala, Abou de Beng. Pétrodollar qui est dans le coin. Ice Cube. Et tu es prêt à faire tourner la... T'habites où toi Hugo? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Allez, prêt à faire tourner. Avec ce soleil, cette chaleur. Ah bah là on est bien là. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah c'est l'album Négritude de Youssoupha et 50 euros en chèque cadeau qui arrive à la maison, c'est pour toi. Bon bah y'a musique. Putain, vous gérez l'équipe, vous gérez. Et bah merci à toi en tout cas Hugo. Bah merci à vous, big up à toi et à Black M. Merci mon sauce. Et lundi, oublie pas un rencard dans les bacs avec le CD DVD de Black M qui arrive. Ouais. Ah, putain, bien. Merci à toi Hugo, yes. Merci Black M pour cette belle semaine. Merci à on toi. On a fini Fred, en beauté. Merci Skyrock. C'était et une voilà, très belle surprise. C'était une bonne semaine. Bonne surprise semaine. D'avoir aussi Maska qui est passé. Yes, c'était une bonne semaine et bonne surprise en fin de semaine. Voilà, restez branchés. Et restez branchés, c'est le mot d'ordre. Et rendez-vous le 8 juin dans les bacs. Merci DVD Monsieur Debeng, merci HQ qui était là, tous les invités qui sont passés cette semaine. Jeff voilà. Bizarre, les gens de l'ombre. On est ensemble. Et eh ben merci à toi Dawala. Merci Skyrock. Merci à tous ceux qui soutiennent le Big Black. Et on se retrouve très vite Black en Diamant tout cas. Yeah. Sur la tournée de Black M, toutes les dates pareilles sont sur les réseaux sociaux. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Yes. On va retrouver D-Fool maintenant et toute l'équipe. C'est là. Oui, Fredo, comment vas-tu? En pleine forme. Bon, gros son, hein, gros lefa. Ah, ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Il avait disparu comme ça. Il est de retour. Et il est de retour. Eh bien, écoute, content de te retrouver, Fred. On te retrouve en plus à minuit tout à l'heure. La nocturne de Planète Rap. Ouais, à pas louper, avec un gros freestyle d'une heure. Une heure de freestyle. Voilà. À l'initiative de Jarod. Ouais. Avec plein d'artistes du rap français. Donc, à partir de juste après vous, en fait. Donc, juste après nous, minuit, voilà. Minuit 5. Hein. C'est parti. Pour on la est nocturne. Prend un sandwich. Et Marie, on ne peut pas la tenir. Marie, dès, vraiment. Dès qu'il fait chaud, la chaleur dès revient. Dès qu'il fait chaud, ça y est, c'est parti. Quoi. Ah, mais c'est clair. Elle est intenable. C'est quand même un truc de fou, ça. Bon, ben merci, Fredo. On te retrouve tout à l'heure à minuit. Yes. Et semaine prochaine dans Planète Rap. Ah, ça aussi, c'est attendu. C'est Nekfeu qui débarque. Très bien. Feu, voilà, l'album. Ouais, c'est feu. C'est feu, c'est facile à retenir. Ouais, c'est clair, c'est pas compliqué. Et alors, est-ce qu'on peut balancer déjà ou pas? Vas-y, balance. Bah, balance. Ce sera à gagner dans la roulette. Allez, la nouvelle roulette qui tourne dès demain matin. Oui, à pas louper, ouais, roulette avec Big Flo, Lee, avec Nekfeu. Il y a avec du monde. Plein de cadeaux, ouais. Ouais, soyez là, c'est l'été, c'est la folie, c'est la radio libre qui démarre en direct dans un instant. Il est 20h53. Et que va-t-il se passer alors ce soir? Alors ce soir, Pamela sera très excitée parce qu'il fait très chaud. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Clash de la drague aussi. Un grand clash de la drague, oui, ouais. c'est vrai. Le Karim Comedy Club, vous entendez aussi, Karim, je pense que le Karim Comedy Club. Il est chaud déjà. Une petite blague, chaud, tranquille. Ouvrira ses portes. Tu veux une petite blague? Dans la soirée, vas-y Marie. Non, mais tout à l'heure. Non, je suis pourrie en blague. Mieux je me taise. Et puis pour démarrer, le son de Florida qui arrive tout de suite là. Juste après la pub, ça sera pas long. Florida et puis vous tous en direct au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages sur le 41 759, le skyrock.fm. On salue tous ceux qui t'aillent. Il y a du monde dans Planète Rap ce soir. Hein. Ah oui. C'est rempli, ouais. Ah, je vois Roman qui nous dit je valide le son de Lefa, trop fort Lefa, ça déchire. Mais Lefa, c'est énorme, ouais. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Ouais. On salue d'ailleurs Masca aussi qui est passé ce soir, oui, Pétro Dollar et toute l'équipe. Il y avait des bises à Masca aussi, il y a toujours ses fans. Lefa est de retour, nous dit Elena. Bon, bah c'est parti pour la radio libre, Planète Rap, le retour. Et vous le repassez le son de Lefa. Allez, on se le remettra dans la soirée. Merci, Fredo. Ce soir, Lefa a retrouvé avant minuit. Fredo, il nous file ses excuses.